demandant pardon. S'il te plaît, moi, il faut que nous partions. On vit sans salaire et nous laisse là. Économiquement mort, mais il nous reste l'âme. Ce qu'on a de plus cher et de plus précieux. Quand je te vois dans tes comptes, t'as les larmes aux yeux. Putain, c'est trop grave ce que l'argent peut faire. Mais bordel de merde, tu es ce que j'ai plus cher. Même si on se traite des voix dans les moments de haine. Je suis ton fils dans la merde, mais tu sais que je t'aime. Alors ne me laisse pas, j'ai que t'as envie de partir. J'ai une vie, moi aussi, et t'en fais partie. Partir par amour était comme un message. Je porte le poids des crasses de toutes ces années sales. Je préfère qu'on se tienne la main plutôt qu'on se tire dessus. Je suis le fils d'une vraie mère et pas un fils de pute. Ne me quitte pas. Si parfois je déçois, garde-moi près de toi, près de toi. Ne me quitte pas. Je t'en supplie, maman, je veux pas finir dans un square, dans un square. Ne me quitte pas. Papa m'avait dit qu'il serait notre étoile, notre étoile. Ne me quitte pas. Je suis sûr qu'il veille sur nous, alors je demande de garder espoir. Offrir une vie près des arcs-en-ciel. Fini les drames, maman. On se barre loin des arcs-en-ciel. Regarde cette carte postale, c'est le paradis. Si Dieu veut, je t'emmène vers les Caraïbes. Tu le mérites, tu sais. Toi qui m'as élevé, toi qui m'as vu tomber, toi qui m'as vu relever. T'as pris soin de moi comme tu le pouvais. L'amour d'une mère, c'est beau, et toi tu me l'as prouvé. T'as le visage humide comme s'il avait plu. Cicatrise la vie de toutes ces années dures. Souvent je me sens seul, personne ne peut rien faire. Alors je me noie dans l'alcool comme si c'était la fête. Et là tu me reproches de traîner dans la rue. J'ai le virus du 6 mois, c'est bien pire qu'un rhume. Sentiment sali par mon entourage. J'ai coulé, il serait temps que l'on m'encourage. Ne me quitte pas. Il faut oublier tout, s'oublier qui s'enfuit déjà. Ne me quitte pas. Si parfois je déçois, garde-moi près de toi, près de toi. Ne me quitte pas. Je t'en supplie, maman, je veux pas finir dans un square, dans un square. Ne me quitte pas. Papa m'avait dit qu'il serait notre étoile, notre étoile. Ne me quitte pas. Je suis sûr qu'il veille sur nous, alors je demande de garder espoir. Maman, tu veux du taf, mais ils veulent pas donner. À ce qu'il paraît, dans le ménage, il faut être diplômé. Diplômé de quoi? À 50 balais. On te demande un bac plus 2 pour tenir un balai. Qu'ils aillent se faire mettre, eux et leur réforme. Si la galère nous forge, alors je serai fort. Nouveau forcené qu'on aura mis en place. Je ne veux pas que ces bâtards poussent à te mettre en plaque. On va y arriver avec le peu qu'on a. Même s'il faut, j'irai armé face à tous ces connards qui nous envoient en masse vers les restos du cœur et nous racontent qu'il y a de la sable à prendre chez la pépière. Mon plus grand souhait, maman, c'est que tu finisses riche et que tes larmes soient remplacées par des éclats de rire. L'important pour moi, c'est que mes deux frères s'en sortent. Peu importe si je dois finir enfant de tôle qui choque. Ne me quitte pas. Même si parfois je déçois,